cacher son bel avenir, la copie du cahier. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse de l'un égoïste, la copie du cahier. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la copie du cahier. Devant l'hôtel dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste, la copie du cahier. Elle me suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose. À côté d'être seule sur terre, et elle y pense dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore. Elle aime, c'est beau comme elle est. Elle aime, elle adore. C'est fou comme elle est, c'est beau comme elle est. Sur ses lésies, la copie du cahier. Elle sait rester là sans rien dire, pendant que lui joue ses lésies, la copie du cahier. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener, passer le reste de sa vie. Simplement elle écoutait, elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la copie du cahier. Mais Dieu que cette fille prend les risques, amoureuse d'un égoïste, la copie du cahier. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie c'est pas grand chose. Elle aime, elle est là, plus que tout elle est, c'est beau comme elle est. Elle est, elle est là, c'est fou comme elle est, c'est beau comme elle est.